إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc الحمد لله. Hier on a eu la visite de quelques nouveaux frères qui sont venus, qui se sont convertis il n'y a pas longtemps. Hein, donc les frères sont revenus aujourd'hui, mashallah, alhamdulillah. Donc on a parlé hier du tawhid, de l'importance du tawhid et du danger du shirk. Et ces choses-là sont très importantes à clarifier, en particulier pour quelqu'un qui est nouveau dans l'islam. Même si quelqu'un est né dans l'islam, ou s'il est musulman depuis 20 ans ou 30 ans, ou 40 ans, peu importe le nombre d'années que quelqu'un est converti à l'islam ou qu'il est musulman, il doit toujours revoir son tawhid et réapprendre le tawhid et comprendre le tawhid. L'exemple de notre prophète, le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il demandait à Allah, il faisait le dua pour lui et pour ses enfants. Il disait: وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. C'est-à-dire que écarte-moi ainsi que mes fils de l'adoration des idoles. Hein? Oh mon Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup d'hommes. Donc c'est de qui on parle ici, hein? Abu al-Anbiya, Imam al-Hunafa, hein, Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Donc on parle de qui? On parle du père des prophètes, Abraham, celui qui a brisé avec sa propre main les idoles, et malgré ça il craignait encore de tomber dans l'idolâtrie, et il demandait à Allah de le préserver, de l'écarter lui-même ainsi que ses fils de l'adoration des idoles. Et ça veut dire qu'on ne doit pas prendre pour acquis que du moment qu'on est né musulman ou qu'on est musulman depuis un nombre d'années, que ça y est, on est protégé du shirk, on est protégé contre le dalal, on est protégé contre l'égarement, et qu'on ne peut jamais faire d'erreur dans l'aqida ou dans le tawhid, et qu'on est garanti presque au paradis, comme certains parfois peuvent se l'imaginer. Mais ça fait partie des ruses du shaitan. Ça fait partie des ruses du diable pour nous faire croire qu'on est en sécurité par rapport à ces choses-là, et c'est à ce moment-là qu'il en profite pour nous égarer et pour nous faire tomber dans des pièges et pour nous faire tomber dans des formes de choses qui sont en contradiction avec la aqida de l'islam. Donc ça c'est juste un point en mentionnant pour commencer, pour faire comprendre que le tawhid c'est pas quelque chose qui est juste important à comprendre pour quelqu'un qui est juste converti à l'islam, mais que c'est important à comprendre pour chaque musulman. Il y en a des gens qui ont vécu toute leur vie dans l'islam sans jamais comprendre la réalité du tawhid. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est très très important. On va commencer ensemble à lire les paroles d'un charh de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Zayd al-Madkhali. Et le Cheikh Zayd al-Madkhali, j'ai commencé son charh il y a longtemps, et on était arrivé jusqu'à une partie du livre où c'est l'introduction d'un nouveau point. Il commence à expliquer, à parler du Tawhid et de Al-Hanifiyya, la religion d'Abraham. Donc je pensais que ça serait une bonne occasion de reprendre ce charh pour commencer justement avec les frères, puisque c'est quelque chose qui est important, puisque ça touche au fondement de la et à la base de l'islam. Donc, yani, même si on est arrivé au cours 18 déjà, et qu'on est, yani, de toute façon, on est juste à l'introduction, donc ça ne dérange pas si on commence à partir de ce point-là. Vous n'allez rien perdre, Inch'Allah, de qu'est-ce qui a été expliqué, parce que les cours passés, vous pouvez les écouter, ils sont déjà sur le site, et tout ce qui a été dit dans les cours précédents va être répété de toute façon, et les explications les plus importantes sont encore à venir. Donc vous allez quand même trouver des choses très importantes et très bénéfiques dans qu'est-ce qu'on va expliquer et qu'est-ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Donc c'est un livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui explique les fondements de l'islam pour tous les musulmans, pour les musulmans débutants, les enfants, et pour les adultes aussi. Et même les ulama, ils se rappellent tout le temps de ce livre-là, et les enfants, ils l'apprennent par cœur. Les enfants, ils l'apprennent par cœur, ce livre. D'accord? Donc c'est très important de l'étudier, de bien le comprendre, pour avoir une bonne base solide dans l'islam, al-usul al-salata. Donc le livre, il a été traduit en français, le texte de base, il est traduit en français. Vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver la traduction sur mon site internet, Salafi de Montréal. Sinon, vous pouvez trouver les cours audio aussi. Et pour ceux qui voudraient prendre des notes, il y a des feuilles avec des stylos. Donc, si jamais vous avez envie de prendre des notes, parfois vous pouvez entendre des points bénéfiques, eh bien, vous pouvez les noter. Et puis, ça aide à préserver et à garder les choses importantes que vous voulez apprendre. Donc, le cheikh, il dit, « I'alam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, « I'alam, أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Sache que Allah t'oriente et te guide vers la droiture et vers son obéissance. Que al-hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. Al-hanifiyya, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'écartes de l'adoration des idoles, de l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, et que tu te tournes uniquement vers l'adoration d'Allah seul. Et tu dois savoir donc que al-hanifiyya, c'est ça, que tu adores Allah lui seul, en lui vouant un culte et une adoration pure et sincère. Et c'est pour ça que Allah a créé toutes les créatures, tous les êtres humains, ils ont été créés pour ça, et il l'a ordonné à tous les hommes. Il les a créés pour ça. Donc le Cheikh Zayd, il explique dans son charh, en commençant par expliquer I'lam. Hein, pourquoi le Cheikh dit I'lam? I'lam, ça veut dire sache. C'est un verbe impératif. Hein, c'est un ordre. C'est-à-dire sache. Le Cheikh, il dit, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قول المؤلف رحمه الله اعلم وهو فعل أمر يدل على تنبيه المخاطب ليستعد لفهم ما يلي وهذا الأمر من التوجيهات السديدة والقواعد الطيبة في باب عقيدة التوحيد ورفض ما يضادها. Donc, le cheikh explique que c'est un verbe impératif. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu lui dis « écoute, hein, sache, écoute, sois prêt à comprendre qu'est-ce qui va suivre ». C'est ça que ça veut dire. Prépare-toi à comprendre ce qui va suivre. Et c'est un ordre parmi les orientations droites et les règles, des bonnes règles qui ont rapport avec la aqida du tawhid qu'on va expliquer, et de rejeter ce qui s'oppose au tawhid. أرشدك الله. Donc quand l'imam il dit أرشدك الله, qu'est-ce que ça veut dire? وقد أتبع هذا الأمر بالدعوة المباركة وهي طلب الرشد من الله تبارك وتعالى لعباده أي الرشد لطاعة الله عز وجل وهذا من أدب التأليف أن يأتي المؤلف بأداة التنبيه ليستعد السامع والقارئ لما يليها. وأتبع ذلك بالدعاء لكل سامع ولكل قارئ نصحا ومحبة ورغبة في أن يمن الله تبارك وتعالى على خلقه بالرشد والهداية. Donc, le cheikh il explique que quand l'auteur dit que Allah t'oriente, hein, que Allah te guide, te montre la droiture, te montre qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est bien, le droit chemin, c'est-à-dire que le cheikh il poursuit en faisant une invocation pour toi, que Allah t'oriente, que Allah te guide vers le droit chemin. Et ça fait partie des formes d'invocation, de dua qu'on fait. Et l'auteur il fait ça pour le lecteur ou pour la personne qui entend ou qui écoute le cours pour prendre son attention aussi en même temps et pour que la personne qui écoute se prépare à qu'est-ce qui va suivre et donc il fait une invocation pour toutes les personnes qui écoutent et qui lisent et ça c'est une forme de nasiha, un bon conseil et une forme de sincérité, d'amour et d'incitation à suivre ce qui va être une faveur pour toi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider et de les orienter et de leur montrer le droit chemin. Arshadaka Allah li ta'atihi. Donc le cheikh il dit li ta'atihi, at-ta'a hiya muwafaqatul ma'mur. Ay muwafaqatu ma amara Allah bihi fi kitabihi wa ma amara bihi رسول وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وذلك يتجلى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام ومع صحة الاعتقاد لحل الحلال وتحريم الحرام والتقرب بذلك إلى الله. الشيخ explique que quand l'auteur il dit que Allah t'oriente vers son obéissance, qu'est-ce que c'est? الطاعة, l'obéissance. Le cheikh il dit que c'est le fait d'être en accord avec l'ordre, avec d'être en accord avec ce qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et d'être en accord avec ce que Allah a ordonné, c'est dans ce qu'il a ordonné dans son livre et ce que son messager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans sa sunna, parce qu'il y a le Coran qui est la révélation d'Allah, la parole d'Allah, puis il y a la sunna qui sont les paroles, les actions et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été recueillies par les sahaba, par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui ont été transmises de génération en génération par la suite avec des chaînes de transmission, des chaînes de narrateurs et qui ont été préservées contre toute falsification et déformation et c'est pour cette raison-là que on les a encore jusqu'à aujourd'hui dans leur authenticité, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différents livres. Parmi ces livres, il y a par exemple Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, ça c'est les deux livres les plus authentiques de hadiths. Et dans ces hadiths-là, il y a des milliers de narrations des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses actions et de ses approbations et ainsi de suite. Et ensuite, il y a d'autres livres parmi les Sunan, comme Sunan Abu Daoud, Al-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres, qui sont des recueils de hadiths également, qui contiennent des hadiths qui sont pour la plupart authentiques aussi. Et ceux dans ces hadiths-là qui ne sont pas authentiques ont été clarifiés et triés par les ulama de hadiths pour qu'on puisse distinguer entre ceux qui sont authentiques et ceux qui ne le sont pas, puisque chaque hadith est rapporté avec une chaîne de narrateurs, et les savants de hadith sont capables, donc, avec cette chaîne, de savoir s'il y a un défaut ou s'il y a un problème dedans. Et donc, les hadiths qui sont authentiques, ils les prennent, et les hadiths qui sont faibles ou qui sont faux, ils les rejettent. Et donc, alhamdulillah, la religion, elle est claire, elle est préservée de cette façon-là. Et donc on doit obéir à Allah et à son livre et obéir au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa sunna. Donc quelqu'un n'a pas le droit de dire par exemple, ah ça c'est pas dans le Coran, c'est seulement dans le hadith, donc je le suis pas, je vais pas le faire, parce que ce qui est dans la sunna c'est exactement la même chose que ce qui est dans le Coran, c'est exactement ce qui est dans la sunna, dans le sens que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, c'est la même chose que si Allah l'avait ordonné dans le Coran. On ne fait pas de distinction entre ce que Allah a ordonné dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans la sunna. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc c'est pour faire comprendre, parce qu'il y a des gens qui essaient de distinguer entre ces choses-là, et c'est bien important de savoir que la sunna, ça fait partie de l'islam, et que celui qui rejette la sunna, il n'est pas musulman, puisqu'il a refusé d'obéir au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il doit mettre en application et implémenter ses ordres. Et lorsqu'il fait ça, ça veut dire qu'il a obéi à Allah, il a implémenté les ordres et il s'est écarté des interdictions. Il a rendu halal ce qui est halal, dans le sens qu'il a cru que ce qui est halal selon ce qui est dans le Coran, et il a cru que ce qui est haram, selon ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est très important de comprendre que pour nous les musulmans, la référence de ce qui est permis et de ce qui est interdit, de ce qui est licite et de ce qui est illicite, de ce qui est légal et de ce qui est illégal, ce ne sont pas des lois que les êtres humains fabriquent eux-mêmes en les écrivant. Hein, des lois qu'ils inventent ou qu'ils fabriquent dans les parlements ou dans les chambres des ministres ou des trucs de ce genre, des lois qu'ils votent et qu'ils inventent eux-mêmes. Ces lois-là, si elles sont en contradiction avec le Coran, elles sont inacceptables et rejetées. Les seules lois qui ont le dessus, qui ont la supériorité et qui doivent être obéies absolument et au-dessus de toute autre loi, c'est uniquement les lois d'Allah, les lois de Dieu. Celles qui sont mentionnées dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas permis pour un musulman de mettre une autre loi au-dessus de la loi d'Allah, ou au-dessus de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là que les ulama, ils ont expliqué à ce sujet-là que si quelqu'un place au-dessus de la parole d'Allah ou au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole de quiconque, et qu'il croit que cette parole, qu'est-ce que l'homme a écrit comme loi est supérieur à la loi d'Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ulama de l'islam ont dit que celui-là, il est kafir. Hein? Il est kafir, il est mécréant, il a quitté l'islam. Pourquoi? Parce qu'il met la parole des hommes au-dessus de la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne, elle dit, je ne crois pas que la parole des hommes est supérieure, mais je crois qu'elle est équivalente, égale, c'est la même chose. La loi d'Allah et la loi des êtres humains qu'ils écrivent avec leurs mains, c'est la même chose. Ça, c'est kufr aussi. Ça veut dire, si quelqu'un pense ça, il a quitté l'islam, il est devenu mécréant. Parce qu'il a mis la parole des hommes et la parole d'Allah à égalité, alors que la parole d'Allah doit être au-dessus de la parole de quiconque. Et un autre exemple aussi que les ulama mentionnent, c'est la personne qui dit, je ne crois pas que la parole des hommes est au-dessus ou égale, mais je crois que c'est permis de juger par ce qui est écrit par les êtres humains. Hein, que c'est halal de faire ça. Et ça, ça implique que tu vas rendre halal ce qui est haram, c'est-à-dire tu vas déclarer permis ce que Dieu a interdit, ou le contraire. Tu vas déclarer permis ce qu'Allah a interdit ou interdit ce qu'Allah a permis. Et ça, c'est kufr aussi. Parce que personne n'a le droit de rendre halal ce que Allah a déclaré haram ou son messager. Et personne n'a le droit de faire le contraire. Si quelqu'un fait ça, il est kafir. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Et c'est pas moi, Sulaiman, qui l'a inventé. Ça, c'est l'ijma des ulama de la Ummah. Et il se base pour dire ça sur plusieurs versets qui sont dans le Coran, hein, et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Parmi les preuves qu'il mentionne à ce sujet-là, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est-à-dire, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils t'auront pris, toi, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme juge, dans tout ce qu'ils ont comme désaccord entre eux. Et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune aucun inconfort, aucune insatisfaction de ce que tu auras décrété comme jugement, et qu'ils s'y soumettent en complète soumission. Et également des versets comme le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ces versets là que celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, ce sont les mécréants, ce sont les injustes, ce sont les pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Est-ce que c'est le verdict ou le jugement de la jahiliya qu'ils recherchent, et qui est meilleur et ou plus savant en jugement pour un peuple qui a la conviction, hein, pour un peuple qui a la conviction, c'est-à-dire qui est plus savant en jugement? C'est Allah. Et les gens qui sont croyants, ils sont convaincus de ça, ils ne doutent pas de ça. Mais ceux qui ont des doutes, c'est eux qui jugent par autre que la loi d'Allah. Et il y a d'autres versets, il y a d'autres preuves à ce sujet-là. Celui qui veut juger par autre que la loi d'Allah, son jugement, et qui croit que le jugement d'autre que Allah est meilleur ou égal ou permis, ça c'est quelque chose qui fait sentir l'islam. Toutefois, il y a une catégorie aussi qui fait que, par exemple, si quelqu'un, il ne croit pas que le jugement d'un être humain ou les lois que les êtres humains ont écrites est meilleur, et il ne croit pas que c'est équivalent, et il ne croit pas que c'est permis. Sauf qu'il juge par autre que la loi d'Allah parce qu'il a une passion ou un désir, hein, ou bien une faiblesse dans sa foi, et donc il accepte de juger par autre que la loi d'Allah pour satisfaire cette passion, ou satisfaire ce désir, ou satisfaire cette envie qu'il a de quelque chose de la dunya, hein? Et il sait que qu'est-ce qu'il fait, c'est un péché et que c'est haram. Donc les ulama ont dit que ça c'est un kufr qui est mineur, kufrun duna kufr, comme Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a expliqué le verset, il a dit ça c'est un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam, c'est-à-dire que ça fait pas sortir de la religion de l'islam. Mais c'est tout de même un grand parmi les grands péchés. Donc si quelqu'un commet une contradiction avec le verdict d'Allah ou le jugement d'Allah, et qu'il reconnaît que c'est en contradiction avec l'islam, puis qu'il commet un péché, puis que ce qu'il fait c'est quelque chose qui est haram, dans ce cas-là il n'est pas kafir, mais il est plutôt un pécheur. Et pourquoi on dit ça? Parce que on vit dans des sociétés qui sont pas musulmanes. Et on est tout le temps confronté à des lois ou des règles qui sont en opposition avec l'islam. Donc pour le musulman, c'est obligatoire de croire que toute loi qui est contraire à l'islam, elle est fausse et elle est rejetée. Comme par exemple, si les koufars disent dans leur loi que deux hommes ont le droit de se marier, hein, comme c'est le cas par exemple en France maintenant, puis ici au Canada, puis dans d'autres états, dans différents pays. Eh bien, c'est interdit aux musulmans de croire que cette loi-là est valable et qu'elle est permise ou qu'elle est bonne. Si quelqu'un croit que cette loi-là est vraie ou qu'elle est correcte, alors il quitte l'islam, à moins qu'il soit ignorant. À moins qu'il soit ignorant du verdict islamique à ce sujet-là. Mais si il connaît le verdict et qu'il a lu les preuves et qu'il dit oui d'accord, moi étant donné que je suis canadien, j'ai la nationalité canadienne ou j'ai la nationalité française et que je vis ici donc, alors je dois accepter la loi française dans le sens que si eux, la loi française dit que c'est permis, donc moi je crois que c'est permis aussi. Ça c'est pas permis, t'as pas le droit de faire ça. T'es obligé de dire que cette loi-là, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'elle est contraire à ce que Allah a révélé. Et la même chose pour l'adultère et la fornication. C'est-à-dire, on vit dans des pays qui nous disent que si deux adultes consentants ont des rapports sexuels, hein, en dehors du mariage, que c'est quelque chose qui est permis. Et qu'il n'y a aucun mal à ça. T'as pas le droit de croire que cette loi-là est valable et qu'elle est permise en islam. Tu dois rejeter ce genre de loi dans ton cœur et dire que cette loi elle est fausse parce qu'elle est en contradiction avec les lois que Allah a révélées. Pour les chrétiens et les juifs, dans les 10 commandements, un des 10 commandements c'est tu ne feras pas l'adultère. Donc comment Dieu il interdit quelque chose puis toi tu écris une loi avec ta main pour le rendre permis? Est-ce que ça c'est acceptable? Non. Donc dans l'islam, il n'y a pas ce que les koufars appellent la laïcité. De dire que les hommes font leur propre loi sans tenir compte de ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est rejeté en islam. Parce que ce que Allah a révélé, c'est les lois qui gèrent la société et la vie et tous les aspects de l'existence des hommes. Pas seulement comment prier, comment jeûner et comment yani donner la zakat et faire le hajj, mais également comment faire le mariage, comment faire le divorce et l'héritage lorsque quelqu'un meurt. Tout ça c'est écrit dans le Coran et c'est écrit dans la Sunna. Est-ce que tu vas mettre ça de côté puis tu vas dire non, nous maintenant ça y est, c'est fini ça? Ça c'était écrit à l'époque où les gens marchaient avec des chameaux et des ânes. Maintenant on est à une époque évoluée, on ne va pas retourner en arrière, ça c'est rétrograde, comme disent les laïcs et les koufars. Non, celui qui parle de cette façon-là, il n'a pas cru. Il n'a pas cru en Allah. Parce que même si le Coran était révélé à une époque où il n'y avait pas encore les découvertes de l'électricité, où il n'y avait pas encore le développement des voitures et des avions ou de ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala savait que dans 1000 ans plus tard, il y allait avoir ça. Et il a révélé ses lois d'une manière à ce qu'elles soient possibles de les adapter à toute époque. Et c'est la dernière des révélations. Le Coran, c'est la dernière des révélations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Il n'y aura pas d'autres messagers après lui. D'accord? Et donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il a la science de toutes choses, il a la connaissance de toutes choses, du passé et de l'avenir, hein, et qu'il savait que dans l'avenir il allait avoir ce genre de changement-là, et que ces lois-là allaient être applicables plus tard. Donc ça c'est des exemples, parce que le cheikh il dit وَمَا عَسِّحَّةِ الْاَعْتِقَادِ لِحِلِّ الْحَلَالِ لِحِلِّ الْحَلَالِ وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ. Donc tu dois rendre halal ce qui est halal et croire que c'est halal, et rendre haram ce qui est haram, et croire que c'est haram. Et tu ne dois pas faire comme le font certains parmi les gens, qui rendent halal quelque chose parce qu'ils le font. C'est-à-dire, quelqu'un il fait un péché, il commet un péché, et il sait que c'est haram dans l'islam, mais parce que lui, il le fait, il veut essayer de dire que ce n'est pas haram, parce qu'il se sent mal. Donc, il pense qu'en le rendant halal, il s'enlève la culpabilité du péché. Et ça, c'est grave. Parce que de rendre un péché halal, c'est plus grave que de le faire. C'est plus grave que de faire ce péché-là. Attends, juste pour donner un exemple. Si quelqu'un boit de l'alcool, et il reconnaît que boire l'alcool, c'est haram. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est un péché. Il doit s'en repentir. Mais si quelqu'un boit même pas une seule goutte d'alcool, mais il dit l'alcool c'est halal, et il a lu les versets qui interdisent l'alcool et les hadiths, mais ils disent oui c'est halal, j'ai le droit de le boire, il n'y a pas de péché, ça c'est kufr. C'est beaucoup plus grave que de faire le péché de boire l'alcool. Ou bien une femme par exemple qui dit, qui porte le hijab, mais elle dit le hijab c'est pas obligatoire, j'ai pas obligé de le porter, mais qu'elle le porte. Elle a mécru en l'islam parce qu'elle a nié l'obligation. Tandis que l'autre qui ne le porte pas, mais qui dit oui, c'est obligatoire, elle est musulmane, mais elle est une pécheresse. Il y en a une femme qui commet un péché. Donc il faut comprendre la différence entre le fait de commettre le péché et le fait de reconnaître qu'on commet un péché, hein, et de demander d'essayer de se repentir pour commencer à faire les ordres. Mais de ne pas nier quelque chose juste parce qu'on commet un péché, ou de dire que ce n'est pas un péché ou que c'est permis. Ok, naam. Tayyib. Donc ça c'était un petit point en passant, je voulais clarifier ça pour que ce soit clair, parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce genre de choses-là. Et par exemple, parmi les pays actuellement dans le monde musulman qui appliquent les lois islamiques comme loi dans la société, comme loi sur le plan juridique, dans le pays et dans tous les aspects de la vie, il y a l'exemple de l'Arabie Saoudite. Et c'est un pays là-bas, si tu vas là-bas, tout ce qui a rapport avec la vie, tous les aspects de la vie, tout est géré par les règles de l'islam et les aspects du Coran et de la Sunna. Et donc là-bas, il n'y a pas d'autre loi ou de système ou de constitution autre que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et les tribunaux, si tu vas devant un juge en Arabie Saoudite, le juge, il te juge selon le Coran et la Sunna et les règles de l'islam. Ce n'est pas selon les lois que des êtres humains ont écrites. Et dans les autres pays musulmans, c'était comme ça auparavant, sauf qu'avec la colonisation et beaucoup de choses qui se sont produites, hein, ils ont fait en sorte qu'ils ont installé des lois européennes dans plusieurs pays musulmans au lieu des lois islamiques. Même si dans la plupart des pays musulmans, il y a toujours le code de la famille qui reste toujours gérée selon les règles de la charia et de l'islam, mais il y a beaucoup d'autres règles qui sont tirées des lois autres. Bon, ça c'est des cas ou des situations où il faut qu'il y ait, avec le temps, inshallah, une réforme et une correction de ces problèmes-là. Mais c'est juste pour dire que c'est pas vrai que c'est pas applicable à notre époque ces lois-là, puisqu'il y a encore des pays jusqu'à aujourd'hui qui appliquent la charia d'Allah et qui jugent selon le Coran. Hein, et on a l'exemple de ça en Arabie Saoudite, qui est un État islamique, un pays musulman. Donc, alhamdoulilah. Et ensuite, le cheikh, il dit donc que ça, c'est l'ordre d'Allah. Ensuite, il dit « أن الحنيفية ملة إبراهيم » يعني أن الحنيفية ملة إبراهيم. Le cheikh, il dit « وهنا دخل المصنف في الموضوع وفي بيت القصيد » ليبين للمسلمين والمسلمات أن الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام والمراد بالحنيفية هي المائلة عن الشرك والمقبلة إلى التوحيد وعلى العموم فإن الحنيف هو المائل عن الشر المقبل على الخير وهو المائل عن المعصية والمقبل على الطاعة وهذه هي سبيل السعادة وطريق النجاة. Donc le cheikh explique que al-hanifiyya, ça vient du mot hanif, et le hanif c'était la religion d'Abraham. Al-hanifiyya, c'était la religion d'Abraham. Abraham, il n'était ni juif, comme on va le dire tout à l'heure, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, puisqu'il est venu avant Moïse, avant la Torah. Et il est venu avant Jésus, avant Isa alayhi salam. Donc, les Juifs viennent à partir de la naissance de Yaqub. Yaqub, c'est Jacob. Celui qu'on appelle Israël, c'est lui, c'est Jacob. Et il a eu 12 fils. Et les tribus juives, de ceux qu'on appelle les Juifs ou des fils d'Israël, sont les descendants de Jacob. Avant Jacob, il n'y avait pas ces 12 tribus de Judée. Abraham vient de la Babylonie. Hein? Il vient de l'ancienne Mésopotamie, là où on appelle aujourd'hui l'Irak. Il ne vient pas des Juifs. Donc, il n'était ni juif ni chrétien. Sa religion, c'était Al-Hanifiyya. Et Al-Hanifiyya, c'est le fait de se détourner et d'abandonner l'idolâtrie. En fait, c'est l'islam, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Quand on dit que tous les prophètes d'Allah sont venus avec l'islam, on veut dire que tous les prophètes d'Allah sont venus avec l'unicité d'Allah, avec le tawhid. C'est ça qu'on veut dire. Parce que la base de tous les prophètes, de tous les messages de tous les prophètes, c'est le tawhid. D'accord? Donc, il dit ici que la religion du prophète Ibrahim, c'était Al-Hanifiyya. Il était un hanif. Et les Arabes, parmi les Arabes de la péninsule, lorsque Abraham est venu avec sa femme et Hajar, il est venu, il a laissé Hajar avec Ismaïl dans le désert, Hein? Et c'est de là que de Ismaïl sont descendus tous les descendants par la suite jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les descendants d'Ismaïl, le fils d'Abraham, il y a eu des gens qui ont toujours gardé des aspects de la religion d'Abraham, hein, jusqu'à ce que rentre l'idolâtrie. Hein. Mais il y avait quand même des gens qui se détournaient de l'idolâtrie, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais adoré les idoles, même avant d'être un prophète. Hein. Il était hanif, il était sur la religion d'Abraham. De même que Abu Bakr, radiyallahu anhu, on dit qu'il n'a jamais adoré les idoles. Abraham, il était sur la religion d'Abraham. Abu Bakr, qui était le plus proche compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais adoré les idoles. Même avant. Hein? Non. Donc, même avant d'être, même avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoive la révélation. Donc c'est ça al-hanifiyya, c'est le fait de se détourner du shirk, de l'adoration d'autre que Allah, et de se tourner uniquement vers le tawhid et l'unicité d'Allah. Et le cheikh il dit que de façon générale, c'est de se détourner du mal et de se tourner vers le bien seulement. C'est ça al-hanifiyya, de se détourner de tout péché pour se tourner uniquement vers l'obéissance et vers la voie du bonheur et la voie du salut. Donc ça c'est la religion d'Abraham. An ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. C'est-à-dire que tu adores Allah seul en lui vouant un culte pur et sincère, que tu n'adores personne d'autre que lui. Et le cheikh, il explique ça. Il dit an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Hadhihi hiya millatu Ibrahim. أبي الأنبياء وخليل الرحمن الذي بعثه الله تبارك وتعالى في أمتي في أمة غارقة في حمات الشرك والوثنية ليدعوهم ولينتشلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الكتاب والسنة فبين أن أصلها وأساسها أن تتوجه أيها المسلم إلى الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا مستصحبا الإخلاص إذ إن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل ولا يقبل عمل بدون إخلاص لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وكان صوابا. Donc le cheikh explique que ça c'est la religion d'Abraham, le père des prophètes, celui qu'on appelle Al-Khalil, c'était l'ami d'Allah. Hein? Il avait une relation particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Khalil. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé dans une nation qui était noyée dans le shirk et dans l'idolâtrie. Le peuple d'Abraham, hein, c'était des adorateurs d'idoles et des adorateurs d'étoiles. Ils adoraient les étoiles et ils représentaient les constellations par des idoles qu'ils fabriquaient, des statues. Et si vous retournez dans le Coran, dans Sourate Al-Anbiya et dans d'autres sourates aussi, vous allez trouver l'histoire et les récits de Ibrahim et qu'est-ce qu'il a eu comme épreuve avec son peuple. Hein? Et parmi les exemples et les épreuves qu'il a eues, c'est qu'il a brisé les idoles de son peuple. Il y avait plusieurs idoles, hein, de différentes grandeurs. Et Ibrahim, alayhi salam, il les a toutes cassées, mais il a laissé la plus grande. Alors, lorsque les gens sont arrivés, ils ont dit, mais qui a cassé nos idoles? Qui a brisé nos idoles? Et il a répondu, il a dit, c'est la plus grande qui les a brisées. Allez lui demander, c'est elle qui l'a fait. Et il a dit ça, en fait, c'est pour établir la preuve contre eux et pour les amener à réfléchir. Et pour réfléchir du fait que ce qu'ils font, c'est absurde et ridicule. Parce que comment... eux-mêmes ont dit, mais tu sais très bien qu'elle ne peut pas parler. Et tu sais très bien qu'elle ne peut pas bouger. Donc comment elle aurait pu briser les autres? Et il a dit, mais dans ce cas-là, si elles ne peuvent rien faire, pourquoi vous les adorez? Hein? Donc c'était pour établir la preuve contre eux en même temps et pour montrer le ridicule de leur adoration. Et donc il les a appelés pour les faire sortir des ténèbres du shirk et de l'égarement vers la lumière du livre et la lumière de la sunna. Hein? Et ensuite il leur a expliqué et clarifié les fondements hein, du tawhid et les bases du tawhid et les a orientés vers ça. Donc il dit, il t'explique ça pour que toi, ô le musulman, tu appliques ce tawhid dans toutes tes adorations, peu importe que ce soit des adorations que tu fais avec ton argent ou avec ton corps, hein, parce qu'il y a des adorations économiques, des adorations comme la zakat, le fait de donner l'aumône, ça c'est des adorations que tu donnes de l'argent, ou lorsque tu sacrifies un animal par exemple, ça c'est avec ton argent que tu fais ça, et il y a des adorations physiques que tu fais avec ton corps, lorsque tu fais la salat, ou ainsi de suite. Donc ça c'est une autre forme, d'autres formes d'adoration, et des fois il y a certaines adorations qui sont avec les deux, c'est-à-dire l'argent et le corps, comme par exemple, lorsque tu fais le hajj, hein, tu as besoin de l'argent et en même temps tu fais une adoration physique. Et lorsque tu fais toutes ces adorations-là, eh bien tu gardes en toi-même la sincérité et la pureté d'intention en Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, إِنَّ الْإِخْلَاصِ شَرْطٌ بِنْ شُرُوتِ قَبُولِ الْعَمَلِ. La pureté d'intention et la sincérité sont des conditions pour que nos œuvres soit accepté par Allah. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, mais que tu ne le fais pas pour Allah seul, ton action ne sera même pas acceptée. Comme par exemple, comme on va le mentionner tout à l'heure, quelqu'un qui prie, et qu'il prie pour que les gens le voient, qu'il prie pour que les gens le regardent, pour dire, regardez, moi je fais la prière, je prie beaucoup. Eh bien, si la personne fait ça, son action ne va pas être acceptée, Allah ne va pas le récompenser pour ça. Au contraire, même il va être puni parce qu'il n'a pas été sincère. Il n'a pas adoré Allah avec une intention pure. Donc ça, c'est une des conditions. Et Allah ne va pas accepter une action sans qu'elle soit avec ikhlas. Ikhlas, c'est-à-dire qu'elle est nettoyée et purifiée de toute association et de toute forme de shirk. Pourquoi ? Parce que Allah n'accepte pas les actions, excepté si elles sont purs dans leurs intentions et dans la personne qui l'a fait, elle l'a fait pas avec du shirk, et qu'elle soit en accord avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Al-Fudayl ibn Iyad, yani ahsanu amala, quand Allah dit dans le Coran ahsanu amala, il a dit akhlasahu wa aswabahu, c'est-à-dire qu'elle doit être la plus pure et la plus correcte. Et il a dit al-amal la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Al-khalisu idha kana lillah wa sawabu idha kana ala sunnah. Donc Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit, l'action ne sera pas acceptée sauf si elle est pure et correcte. Pure dans le sens qu'elle est faite pour Allah, et correcte dans le sens qu'elle est en accord avec la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si elle n'est pas pure, c'est du shirk, et si elle n'est pas correcte, c'est une bid'ah, c'est une innovation, hein, parce que tu inventes dans la religion. Donc ensuite il dit mukhlisan lahuddin la li ghayrihi, la tadinu li ghayrihi bi shay'in min al ibadat la min al aqwal wa la min al af'al wa la min al a'mal al zahira aw al batina bal kulluha lillahi azza wa jal khalisa ترجو بها رضا الله والجنة وترجو بها النجاة من أليم عذابه ومن مقته وسخطه وكم من نصوص قد جاءت في القرآن الكريم تدعو الناس إلى الإخلاص في أعمالهم وكم من أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فمن الآيات قول الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لجميع أمته إلا ما دل عليه دليل أنه خاص به فهذا يعرف في مواضعه. Donc le cheikh il explique que le fait de dire, quand le cheikh dit mukhlisan lahuddin, c'est-à-dire en lui voit un culte, une adoration pure, que ta religion soit pure et sincère, qu'elle soit uniquement pour le plaisir et l'agrément d'Allah seul. Il dit, et non pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu ne dois pas prier à quiconque d'autre et pour quelqu'un d'autre. Et tu ne fais aucune de tes adorations pour quiconque excepté pour Allah. Et tes paroles, lorsque tu parles, tu parles pour plaire à Allah. Et tes actions, quand tu agis pour plaire à Allah uniquement. Et que ce soit dans tes actions apparentes que tu fais avec ton corps ou que tu prononces ouvertement avec ta langue, ou bien les choses qui se passent en toi-même, des adorations intérieures, par exemple ta crainte, ton espoir, ton amour pour Allah, ça c'est des actes, mais intérieurs, ça fait partie des adorations aussi, et même que la base de l'adoration c'est dans le cœur. Et on va mentionner dans les parties qui vont suivre dans le livre qu'il y a différentes formes d'adoration. Parmi les formes d'adoration les plus importantes sont les adorations du cœur. La crainte, l'espoir, l'amour, de mettre notre confiance en Allah. Hein, tout ça, c'est des adorations fondamentales et les bases de l'adoration. Et elles sont des adorations du cœur. Et elles doivent être uniquement pour Allah. Hein? Donc, si quelqu'un les offre à une autre créature, c'est-à-dire à une créature autre que Allah, c'est-à-dire il offre ses adorations à une statue, une idole, ou un saint, ou un prophète, ou un ange, ou une roche, ou un arbre, ou peu importe, eh bien, il a commis du shirk dans ce cas-là. Il ne doit pas offrir son adoration à une créature, mais uniquement au Créateur. Ensuite, le cheikh, il dit, وكم من احاديث ثبتت donc combien de hadiths sont mentionnés et qui sont يعني authentiques à ce sujet-là. Donc c'est ça, tu dois avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en son paradis, et tu dois espérer le salut de son châtiment douloureux et de sa colère. Et il y a de nombreux textes dans le Coran qui invite les hommes à la sincérité et à la pureté dans, dans leurs actions. Et de nombreux hadiths aussi. Parmi les versets, par exemple, le verset dans lequel Allah dit, Surat Az-Zumar, dit, ô Muhammad, j'ai été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte pur. Hein? En l'adorant lui seul. Et donc, ce verset-là, Allah, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui et de purifier pour lui sa religion. Et l'ordre qui est donné dans le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça implique que c'est ordonné à toute la nation des musulmans, à toute la umma au complet, sans exception. Sauf s'il y a une preuve, comme des fois il y a des ordres qui sont donnés au prophète, c'est spécifique au prophète, mais il y a une preuve pour montrer que c'est spécifique. Parce qu'en temps normal ou général, tous les ordres aux prophètes sont pour tout le monde, tous les musulmans. Pas juste pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc si c'est un ordre qui est donné dans le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est un ordre qui est pour toi. Que tu dois l'appliquer toi aussi. Sauf si c'est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, le cheikh il dit, parmi les exemples de versets qui mentionnent l'ordre d'adorer Allah seul avec ikhlas, il dit وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ وَهَذَا الْأَمْرُ فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَمْرُ تَوْبِيخٍ أَمْرُ تَوْبِيخٍ لَهُمْ وَتَهْدِيدٍ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَيُلْقَوْنَ جَزَاءَهُمْ إِذَا قَدِمُوا عَلَى اللَّهِ عز وجل وقد عبدوا غيره واشركوا معه في العباده غيره. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14 et 15 en sourate Az-Zumar, il dit au Muhammad, à ces gens-là parmi les mushrikines et parmi les hommes, dis-leur, c'est Allah que j'adore en lui vouant un culte pur et en purifiant ma religion pour lui. Alors adorez ce que vous voulez en dehors de lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit alors adorez ce que vous voulez en dehors de lui, ça ne veut pas dire que c'est correct. C'est une menace que Allah te donne quand il dit adorez ce que vous voulez. en dehors de lui. C'est-à-dire que, yani, si vous adorez d'autres que lui, sachez qu'il y a un châtiment qui va vous attendre. C'est ça ce que ça veut dire. Sachez que vous allez être dans l'égarement. Sachez que vous êtes sous la menace de l'enfer éternel. Que ce n'est pas des blagues. Donc, ce n'est pas pour dire, comme certains qui s'imaginent, que tout le monde peut adorer ce qu'il veut et que tout le monde est libre dans la religion. Hein? Comme par exemple ce que les koufars enseignent dans la laïcité. Que les êtres humains peuvent adorer ce qu'ils veulent. Hein? Tu peux adorer le soleil, la lune, et tu peux adorer n'importe quelle divinité parmi les créatures. Et tu peux adorer ce que tu veux, ça ne dérange pas. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit que quoi que ce soit adoré en dehors de lui. Les êtres humains sont les créatures d'Allah et ils n'ont pas le droit d'adorer autre que leur créateur. Si quelqu'un adore autre que le créateur, eh bien il a commis le plus grand péché, comme on l'a expliqué hier. Hein? Et donc, de permettre d'adorer d'autres que Dieu, c'est un des plus grands crimes, c'est du shirk. Hein? Et on n'a pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est le plus grand crime que les sociétés modernes ont légiféré ou qu'ils ont permis. Hein? Et ça, c'est beaucoup plus grave que rendre l'alcool halal ou rendre l'adultère halal ou l'homosexualité halal. Toutes ces choses-là, c'est des péchés. Hein? Mais quand tu le rends haram, quand tu le rends halal, pardon, ça devient kufr. Mais rendre le shirk halal, c'est encore pire. Parce que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. C'est le plus grand de tous les crimes. Naam. Halal, ça veut dire quelque chose qui est permis, qui est licite. Donc, quand on dit, par exemple, en arabe, halal, c'est pour désigner ce qui est permis. Et quand on dit haram, c'est pour désigner ce que Dieu a interdit. D'accord? Donc, parfois vous allez entendre parler de la viande halal. Ça veut juste dire que c'est de la viande qui est permise. Et elle est permise parce qu'elle a respecté certaines règles et certaines conditions. Hein? On l'a égorgée d'une certaine manière et en respectant certaines conditions. Parmi les conditions pour que la viande soit halal, c'est qu'elle doit être égorgée. Et qu'elle doit être égorgée pas par n'importe qui. Il faut qu'elle soit égorgée par un musulman, ou un juif, ou un chrétien. Si elle a été égorgée par un bouddhiste, ou par un hindou, ou par un athée, la viande n'est pas halal, même si elle a été égorgée. Hein? Ou si elle a été tuée par autre que égorgement, dans le sens qu'on l'a tuée par étouffement, ou par l'assommant, ou par elle est morte par mort naturelle, ou elle a été tuée par un autre animal, on n'a pas le droit de la manger, ou électrocutée jusqu'à ce qu'elle meure, hein? Dans ce cas-là, c'est pas permis. Mais si la bête est tombée, comme quelqu'un l'a assommée, puis qu'elle n'est pas morte, puis que toi tu viens, puis tu l'égorges avant qu'elle meure, hein? Et tu dis Bismillah, Allahu Akbar, et tu l'égorges, dans ce cas-là, elle est halal parce que tu l'as égorgée avant qu'elle meure. Hein? Qu'est-ce qui est haram? C'est de manger la viande qui n'est pas égorgée, qui est morte. Ça, c'est haram. La viande morte, c'est haram. Aussi, la viande de porc, c'est haram. Et la viande des animaux carnivores, en général, elle est haram. C'est-à-dire, tout animal qui mange d'autres animaux, comme les bêtes féroces, les chiens, les chats, tu n'as pas le droit de manger ça. Par exemple, les lions, les tigres, tu ne manges pas ces animaux-là. De même que les animaux de proie, les oiseaux de proie, des oiseaux qui ont des serres, hein, et qui ont un bec cornu qui mange d'autres oiseaux, ça aussi tu n'as pas le droit de manger. Les animaux que tu as le droit de manger, c'est les animaux qui sont herbivores, si tu veux, en général. Les vaches, les moutons, les chèvres, des choses comme ça, ça c'est permis, puis ainsi de suite. Mais, comme pour que vous sachiez, il y en a qui pensent que c'est juste le porc qui est haram. Non, ce n'est pas juste le porc, il y a aussi d'autres animaux comme les chiens, on ne mange pas ça. Hein? Donc c'est, ça c'est de façon générale. Donc quand vous entendez le mot halal, sachez que c'est pour qu'est-ce qui est permis. Et qu'est-ce qui est haram, c'est qu'est-ce qui est interdit. Comme par exemple on va dire l'adultère, la fornication, c'est haram. Par exemple faire de la bicyclette, c'est halal. Tu vois. Donc c'est pour vous donner un exemple. Ok. Naam. Donc le cheikh il dit, donc vouer un culte à Allah seul et adorer ce que vous voulez en dehors de lui, dans le sens que c'est une menace, que vous allez retrouver le châtiment d'Allah pour avoir adoré d'autres que lui par la suite. Et en même temps, c'est pour ridiculiser la personne qui adore d'autres que Allah, parce que si tu adores autre que Allah, ça veut dire que tu adores une créature qui est créée comme toi, qui n'a aucun pouvoir en elle-même, qui peut ni se profiter, ni peut ni nuire à autre, à quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi tu vas l'adorer? Est-ce que tu vas adorer un stylo, comme ça, ou adorer un micro, ou adorer un livre, ou adorer une table, ou adorer une roche? La roche, elle peut rien faire pour elle-même. Tu vas adorer une statue? La statue peut même pas se défendre elle-même. Même que Allah, il mentionne un exemple dans le Coran, il dit, si les idoles que les koufars adorent, ils donnent des fois à l'idole des offrandes. Tu vois par exemple chez les bouddhistes, dans leur boutique, ils mettent une statue de Bouddha ou quelque chose par terre, et ils mettent de la nourriture le matin, un petit peu de riz, un petit peu de jus, hein, un petit peu de trucs comme ça, ils mettent de l'argent, de l'eau. Et là, ils mettent ça le matin, puis c'est comme si pour une bénédiction, je sais pas quoi. Allah musta'an. Est-ce que la statue va manger ça? Non. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yani, que si la mouche vient pour prendre quelque chose à cette statue, la statue ne peut pas l'empêcher, la mouche. Hein? Ça veut dire que la statue n'est même pas capable d'empêcher une mouche de venir prendre quelque chose. Hein? Et même toi, si tu essaies de le récupérer de cette mouche-là, tu ne peux pas. Hein? Donc c'est pour dire que montrer la faiblesse de ces statues et qu'elles ne peuvent rien faire. Donc ça veut dire qu'elles ne méritent pas d'être adorées. Tu vois? Et donc, il y a une histoire qui est rapportée même, je pense que c'était rapporté par certains d'entre les Sahaba, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est entré dans l'endroit où il y avait des statues pour être adorées, et il a trouvé un chien qui était en train d'uriner sur une des statues. Et il a dit, le Sahabi était fâché, il a chassé le... Non, il n'était pas encore musulman, et il a chassé le chien. Hein? Il a dit, enlève-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu hein? Urines comme ça sur notre idole, hein, notre Dieu et tout. Et après, il s'est mis à réfléchir. Il a dit, mais subhanallah, moi je suis là en train d'adorer une statue, je lui demande de me protéger, de m'aider, des choses comme ça, alors qu'elle ne peut même pas se protéger elle-même contre un chien qui vient uriner sur elle. Donc il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti. Hein? Donc c'est pour dire que quand tu dis à quelqu'un, si tu ne veux pas adorer ton créateur, adore ce que tu veux en dehors de lui. C'est-à-dire, si tu es assez ridicule pour ne pas vouloir adorer ton créateur, que tu peux faire adorer des choses inertes et des choses qui n'ont aucun pouvoir, puis que c'est vers ça que tu te tournes, alors dans ce cas-là, vas-y, fais-le. Mais sache que tu vas être châtié pour ça. Hein? Et après, il dit, waqad sabata. Ah oui, tu avais une question, hein? Je m'excuse. Comme si les idoles et tout. Donc c'est ça. Le fait d'aimer des chanteurs ou d'aimer des vedettes, ça rentre juste dans les péchés, hein? À moins que tu crois en ces personnes-là d'une façon surnaturelle, que tu crois qu'ils ont un pouvoir de t'aider quand ils sont pas là, que tu les appelles et que tu pries à eux, ça c'est du shirk. Mais si tu les aimes par rapport à leur musique ou à leur film ou des choses comme ça, ça c'est juste un péché. Parce que dans l'islam, c'est interdit, la musique. Et que ce soit le rap ou d'autres formes de musique, reggae ou autre, tout ça c'est haram. Et les films en même temps, puisque les films c'est du mensonge et c'est basé sur le théâtre et le fait de faire semblant, hein. Imaginez, des fois tu vois dans des films des gens qui prétendent qu'ils sont le diable ou qu'ils prétendent qu'ils sont yani un personnage alors que c'est même pas vrai. Ou bien même des fois des gens qui prétendent être mariés avec quelqu'un et puis ils se connaissent même pas, yani, mais ils agissent comme s'ils étaient mariés. Alors comment yani, des choses comme ça peuvent être possibles? Même que des fois il y en a dans les films, ils se marient. Ils font une cérémonie de mariage dans le film alors qu'ils sont déjà mariés dans la vraie vie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour dire, yani, comment des gens comme peuvent accepter ça, yani, hein? Et donc dans l'islam, ça c'est des choses qui sont interdites. Donc si toi tu aimes ces choses, ces gens-là pour ça, c'est comme un péché, yani. C'est considéré comme un péché. Comme par exemple, comment je pourrais dire, c'est la même chose pour quelqu'un qui aime, peu importe qu'est-ce qu'il aime de quelqu'un, mais que c'est quelque chose qui est interdit. Qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'est considéré comme un péché. Hein? T'as pas le droit. Naam. Ensuite, donc, qu'est-ce que le cheikh il dit? Il dit, وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَنَّهُ سَيَقُولُ لَهُمْ اِذْهَبُوا فَطْلُبُوا أَجْرَكُمْ مِمَّنْ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ ولا يملك أحد يوم القيامة شيئا من الأجر ولا من جلب المصالح ولا من دفع المضار بل الكل يحكم الله فيهم ويجازيهم بحسب أعمالهم خيرها وشرها كما قال تعالى لمن الملك اليوم فأجاب نفسه سبحانه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Donc le cheikh il a dit que il a été rapporté de façon authentique, hein, par l'imam Ahmed dans sa Musnad, et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila al-Hadith al-Sahiha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: retournez vers ceux, retournez et demandez la récompense de vos œuvres à ceux pour qui vous faisiez ces œuvres-là et que vous vous montriez. Hein? C'est-à-dire que ceux qui faisaient des actes par ostentation, c'est-à-dire pour se montrer, hein? Ils priaient devant les gens ou en présence des gens pour que les gens voient comment ils prient beaucoup ou comment ils donnent de l'argent par générosité, ou qui récitait le Coran pour montrer qu'il récitait bien, ou qu'il mémorisait beaucoup, ou qui parlait de science pour montrer aux gens comment ils avaient beaucoup de science, ou ainsi de suite. Tous ces gens-là, s'ils ne le faisaient pas pour Allah, mais qu'ils le faisaient uniquement pour que les gens les regardent, ou les gens les entendent, eh bien, Allah va leur dire au jour de la résurrection, allez chercher la récompense de ces actions-là que vous faisiez, chez ceux pour qui vous vouliez vous montrer. Hein? Et bien entendu, personne ne pourra récompenser personne au jour de la résurrection, excepté Allah. Hein? Et donc, le cheikh il dit, au jour de la résurrection, personne ne peut te récompenser pour quoi que ce soit, ni t'amener du bien, ni repousser un mal. Hein? Et tous seront jugés uniquement par Allah. Et Allah va récompenser chacun selon ses actions qu'il a fait. Et tout le monde va être rétribué pour le bien qu'il a fait ou pour le mal qu'il a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran et il pose une question. Allah, le Créateur, il pose une question. Il dit, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Et il se répond à lui-même en disant, Lillahi al-Wahid al-Qahhar, c'est-à-dire à Allah, al-Wahid, l'unique, al-Qahhar, hein, le contraignant, celui qui a le pouvoir sur tout. Aujourd'hui, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquise. La zulma al-yawm, il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. Inna Allah sari'ul hisab. Allah est certes rapide en compte. Dans cette vie d'ici-bas, dans les jugements, quand on va voir le juge ou quand on se fait juger dans un tribunal, il peut toujours y avoir de l'injustice. Hein? Mais au jour de la résurrection, il n'y a pas d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il va établir la vraie justice absolue. Hein? Et donc parfaite. Le cheikh il dit: وَهَكَذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِي قول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية أنا منه بريء وهو للذي أشرك. Donc il dit qu'il a été également rapporté authentiquement du prophète صلى الله عليه وسلم, et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira, et il est également rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Sunan ibn Majah, donc c'est un hadith authentique. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté la parole d'Allah. C'est un hadith qui est un hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la parole d'Allah, mais ça ne fait pas partie du Coran. C'est une parole d'Allah qui est rapportée dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et cette parole d'Allah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis le plus riche de tous les partenaires que vous pourriez m'associer. C'est-à-dire, il n'y a pas, je suis tellement riche que je n'ai pas besoin de partenaire. Hein, et je n'ai pas d'associé. Parce que tout lui appartient. Donc, quand tu as un partenaire, c'est pourquoi? C'est parce qu'il va être ton partenaire, il va être ton partenaire dans qu'est-ce que tu possèdes. Hein, il va être ton associé dans ta compagnie. Toi, tu n'as pas assez d'argent, supposons, pour acheter un immeuble. Tu connais une autre personne qui a beaucoup d'argent, tu dis, écoute, moi tout seul, je ne peux pas l'acheter cet immeuble. Tu vas être mon associé, on va se partager les bénéfices. Hein? On va se partager les profits. Il dit, ok, donc l'immeuble, elle appartient moitié à toi, moitié à lui. Les profits sont divisés en deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé, tout lui appartient. Et il n'y a rien qui appartient à quelqu'un excepté à lui. Tout appartient à lui seulement. D'accord? Et tout ce qui existe, c'est créé par lui seulement. Donc il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé dans sa création, et dans son pouvoir, et dans son adoration aussi. De la même manière que dans sa création, il n'a pas de partenaire et d'associé, dans l'adoration, il n'accepte pas qu'on lui donne des partenaires ou qu'on lui donne des associés aussi. C'est la même chose. Hein? Et comme vous avez lu par exemple, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, à chaque fois qu'elle dit vous n'adorez qu'un seul Dieu, vous n'adorez pas d'autre Dieu que moi, parce que je suis un Dieu jaloux. Hein? Il n'accepte pas qu'on donne une adoration à autre que lui. Hein? Donc c'est comme ça. Et il dit donc Ana arna shuraka ani shirk. Celui qui fait une action dans laquelle il associe dans son adoration quelqu'un d'autre que moi, alors je le laisse, lui et celui avec quoi il m'a associé. Je le laisse, lui ainsi que ceux avec quoi il m'a associé. C'est-à-dire, j'en veux pas de cette action-là qu'il a fait, parce qu'elle n'est pas pure pour moi seulement. Il l'a fait pour moi, mais pour quelqu'un d'autre en même temps. Ou il l'a fait pour quelqu'un d'autre complètement. Donc dans ce cas-là, j'en veux pas de cette œuvre-là et de cette action-là. Reviens faire tes actions quand elles seront pures et tu me les offres. Sinon, j'en veux pas. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette parole et dans ce hadith. Et dans une autre narration, il dit, je m'en désaveux. Je veux rien savoir de cette action-là que tu as faite. Et elle appartient à celui avec qui tu m'as associé. D'accord? Donc ça, c'est pour faire comprendre que l'action doit être pure. Et c'est ça l'ikhlas. Hein? Qu'elle n'est pas à, elle n'est pas avec du shirk. Il n'y a pas de shirk dedans. Wa hadith Omar al-Majhour al-Ma'ruf alladhi yujadu fi muqaddimati kulli kitab hadithi ghaliban innama al-a'mal bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa wa huwa dalilun ala wujub al-ikhlas wa ala tashih an-niyyah wa as-sidq ma'a Allah tabaraka wa ta'ala fi al-'amal. Donc le cheikh il dit qu'il y a aussi le hadith qui est très célèbre, qui est presque dans tous les livres de hadith, tu le retrouves dans l'introduction, c'est le hadith innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les œuvres ne comptent ou ne valent que selon leurs intentions, et chacun aura selon ce qu'il a eu comme intention. Toute action que tu fais va avoir la valeur de son intention. D'accord? Donc, ça, c'est un hadith tellement important que les savants de hadith, lorsqu'ils le rapportent, ils le mettent toujours en premier. Et tu vois, par exemple, dans le recueil de hadith le plus authentique, c'est Al-Bukhari. Eh bien, le premier hadith dans Sahih Al-Bukhari, c'est ce hadith-là. Et dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, c'est la même chose. Ce hadith-là aussi. Donc, tu le retrouves souvent chez les savants de hadith. La même chose de Umdatul Ahkam. Premier hadith, c'est celui-là. Parce que c'est le plus important. Et une des conditions pour tes œuvres, c'est l'intention. Donc, ça commence toujours par l'intention. Si tu fais une action sans que ce soit avec une bonne intention, ton action, elle n'aura pas de valeur. Ok? Donc, le cheikh, il explique donc que c'est la preuve de l'obligation de devoir être sincère et d'avoir la pureté dans ton intention. Et la même chose, d'être véridique pour Allah et avec Allah. Tu ne fais pas tes actions pour les êtres humains, pour les autres. Tu le fais uniquement pour Allah et pour plaire à Allah. Si tu le fais pour les autres, ça compte pas. Hein? وقد تنازعت طوائف الكفر في إبراهيم عليه السلام وكل طائفة كل طائفة تدعي أن إبراهيم منهم فأجلبهم الله تبارك وتعالى وبين ملة إبراهيم على وجه حقيقة وأنها ليست كما يدعون فهو بريء منهم قال الله عز وجل وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ادعت اليهود وادعت النصارى وادعى المشركون في إبراهيم فأكذبهم الله عز وجل جميعا لأنهم كاذبون في الدعوة وأثبت أن إبراهيم عليه السلام مائل عن الشرك الذي ارتكبت فيه جميع الطوائف المذكورة اليهود والنصارى والمشركون ومن الأمم ومن ومن ومن وإلا هم وأنه حنيف مسلم ومن والاهم نعم فاليهود والنصارى والمشركون ومن والاهم وأنه حنيف مسلم أي مستسلم لله وحده لم يشرك معه أحدا ولم يخضع لأحد ولم ينقد لأحد وإنما انقاد لأمر الله رب العالمين. Donc le cheikh il explique que les groupes de mécréance parmi les sectes, les différentes religions, les différentes sectes chrétiennes, les différentes sectes juives, les différentes religions, ils se sont disputés à propos d'Abraham. Chacun veut avoir Abraham de son côté. Les chrétiens veulent se référer à Abraham. Les juifs veulent se référer à Abraham. Hein? Et les musulmans, nous, on se réfère à Abraham aussi. Donc, il y en a parmi les gens, Allah al-Musta'an, ils ont dit, toutes les religions sont bonnes, et Abraham est le père des religions. Abraham était le centre des trois grandes religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ils essaient de faire croire aux gens qu'Abraham était d'accord avec ces trois religions-là. Alors que Allah il n'a envoyé aux hommes qu'une seule religion, c'est-à-dire l'islam, le tawhid, l'unicité d'Allah. Alors le cheikh il explique, il dit, tous ces groupes-là prétendent appartenir à Abraham ou avoir un lien avec Abraham, mais Allah les a tous démentis. Et il a expliqué que la religion d'Abraham, c'était quoi la réalité à propos de la religion d'Abraham, que c'était pas selon ce que ces gens-là prétendent, et que la religion d'Abraham c'est uniquement le tawhid, et d'adorer Allah seul, et c'est l'islam. Donc le verset 67 dans surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Abraham n'était pas un juif et il n'était pas un chrétien, mais il était un hanif, un muslim. Un muslim, ça veut dire quelqu'un qui se soumet à Allah, qui se détourne du shirk, qui abandonne l'idolâtrie et qui se tourne vers l'adoration du Dieu seul et unique. Et il n'était pas du nombre des mushrikines, c'est-à-dire il n'était pas du nombre des gens qui associent avec Allah dans l'adoration et qui adorent d'autres que lui. Donc, ce verset-là vient démentir les juifs et vient démentir les chrétiens et prouver qu'il n'était ni juif ni chrétien. Hein? Et ça, il y a une histoire que je raconte souvent aux gens, yani, par rapport à ça. Une fois, il y a des groupes politiques islamiques, comme il y en a beaucoup actuellement dans le monde musulman, comme les groupes d'égarement parmi les groupes comme les frères musulmans en Égypte et ailleurs. Et eux, ils prennent la religion comme un mouvement politique pour arriver à des objectifs. Et pour eux, tous les moyens sont bons pour arriver à prendre le pouvoir. Parce qu'ils ont une règle qu'ils suivent, c'est de dire que la fin justifie les moyens. Et en islam, c'est pas comme ça. En islam, la fin justifie pas les moyens. Le moyen doit être permis et bon. Et l'objectif et ton but doit être bon aussi et permis aussi. Les deux. Pas juste le but. Hein? Donc eux, ils se permettent de faire n'importe quoi pour arriver à leur objectif, même si c'est haram ou interdit ou contraire à l'islam. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent des juifs dans les mosquées pour parler aux musulmans, pour dire aux musulmans yani, qu'ils sont d'accord avec eux par rapport à la Palestine. Et là, une fois, j'étais justement à Concordia, ils ont invité deux juifs. Hein? Et ça, c'est ceux qu'on appelle soi-disant les ultra-orthodoxes, avec l'habit noir, les chapeaux et tout et tout. Ils les invitent là-bas pour parler aux musulmans, pour dire, ouais, vous avez raison, la Palestine, ça appartient pas aux zionistes, ainsi de suite, et vous avez le droit, qu'est-ce que vous faites, c'est bien, bon, nous on est avec vous. Alors qu'eux sont des koufars aussi, comme les autres, comme les zionistes, il n'y a pas de différence. Mais ils les appellent même pas à l'islam, et ils leur disent même pas que qu'est-ce qu'ils suivent, c'est faux. Ils font juste les appeler pour faire leur témoignage. Alors moi j'ai vu ces juifs-là, je les ai vus en avant de la mosquée. Donc moi je suis rentré pour prier, et quand je suis sorti, je les ai trouvés encore devant la porte. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Ils ont dit, ben on est venu pour parler avec les musulmans, parce que nous on est avec vous. J'ai dit, mais est-ce que vous croyez en l'islam? Il m'a dit, mais oui, on croit en l'islam. J'ai dit, mais est-ce que vous dites la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Il a dit, mais oui, on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais j'ai dit, et même qu'il parlait arabe, hein? Subhanallah, il parlait arabe, c'était des gens qui venaient du Yémen ou quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, mais si vous dites la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pourquoi vous n'êtes pas venu prier avec nous? Et j'ai dit, et si vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pourquoi vous êtes encore habillé avec ces habits noirs là? Pourquoi vous habillez pas comme nous les musulmans? Il a dit, nous, on suit l'exemple de Moïse. Hein? J'ai dit, est-ce que Moïse s'habillait comme ça? Hein? Et est-ce que vous pouvez dire que vous suivez l'exemple de Moïse alors que vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et le dernier des prophètes c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec une page de la Torah dans ses mains, et il lui a dit oh Omar, est-ce que tu as des doutes? Hein? Il lui a dit, même si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas eu d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire que même si Moïse était vivant aujourd'hui, ou Jésus était vivant aujourd'hui, ben, c'est-à-dire il est vivant mais il est monté aux cieux, mais n'importe quel autre prophète qui était vivant aujourd'hui, qui était venu avant, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et souvent on parle avec des juifs et des chrétiens, on leur dit, votre livre il est falsifié aujourd'hui, il n'est pas tel qu'il était lorsqu'il a été révélé. Hein? Et eux, les chrétiens, ils disent, mais dans ce cas-là, pourquoi vous vous y référez ou pourquoi vous le mentionnez? Nous, on dit, même si la Torah était exactement 100% la vraie et que l'évangile est exactement la même que celle que Isa alayhi salam a reçue à son époque, quand il était venu, si c'était 100% le vrai, qu'il n'y avait pas aucun changement dedans, même dans ces cas-là, on n'aurait pas à le suivre. Et ce serait le Coran qui aurait le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est venue abroger tout ce qui était révélé auparavant. Donc imaginez dans le cas où on sait maintenant qu'il y a plein de falsifications dedans. Donc si le juif, il devient musulman, il ne peut pas continuer à suivre l'exemple de Moussa alayhi salam. Et il ne peut pas dire non, moi je suis juif, mais je dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Non. La même chose pour le chrétien. Si un chrétien il dit oui, je crois au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je crois au Coran, puis après il continue à suivre l'exemple de la Bible et d'aller prier à l'église et prier Jésus et Marie et Joseph, ça c'est du shirk. Et ça, c'est pas acceptable. S'il devient musulman, une des conditions pour être musulman, c'est que tu te désavoues et que tu rejettes complètement tout ce qui est faux et tout ce qui est abrogé dans les religions précédentes. Et que tu n'acceptes que de suivre que ce qui est révélé dans le Coran et qui est mentionné dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ça qui est ordonné par Allah actuellement. Hein? Et que tu dois abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si tu te convertis à l'islam et que tu continues à croire en tes fausses croyances précédentes, tu n'as pas encore accepté l'islam. Parce que pour être musulman, tu dois, comme Allah il dit, faire le kufr, bittaghut, avant de faire la foi en Allah. Takfur bittaghut, wa tu'min billah. Tu rejettes le taghut. Le taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et tu crois en Allah seul. Donc, le cheikh, il dit, les juifs ont prétendu qu'ils ont un lien avec Abraham. Les chrétiens ont prétendu qu'ils ont un lien avec Abraham. Et les mouchrikoun même, les gens qui adoraient les idoles à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prétendaient qu'ils suivaient l'exemple d'Abraham. Et Allah les a tous démentis. Et il a tout mentionné que leur prétention est fausse. Hein? Et il a affirmé que Abraham, alayhi salam, c'est quelqu'un qui se détournait du shirk. Hein? Donc, les chrétiens et les juifs sont des gens qui adorent des choses en dehors, des hommes purs en dehors d'Allah, des saints, des images, des croix, des idoles, qu'ils adorent des hommes, des prophètes, qu'ils adorent Marie et ainsi de suite. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion d'Abraham. Abraham, il ne faisait pas ça. Hein? Et donc, ils ne suivent pas Abraham, même s'ils prétendent. Les chrétiens, on sait qu'Abraham, c'est le premier qui s'est circoncis. Qui a fait la sunna de la circoncision. Les chrétiens ne se circoncisent pas. Hein? Ils ne suivent pas cet exemple et cette sunna d'Ibrahim alayhi salam. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi comme ça. Ensuite, le cheikh, il mentionne l'exemple. Ensuite, il dit, donc tous ces groupes-là, les juifs, les chrétiens, les mouchrikoun et ceux qui sont avec eux, ils ont contredit l'exemple d'Ibrahim, puisque Ibrahim était un hanif, un musulman, muslim. Et un muslim, ça veut dire mustaslim lillahi wahda. C'est-à-dire, muslim, ça veut dire celui qui s'est soumis et qui adore uniquement Allah seul. Et qui rejette tout ce qui est associé en dehors d'Allah et qui ne se soumet à personne d'autre que Allah et qui n'obéit à personne d'autre que Allah et qui se prosterne uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui obéit uniquement à l'ordre d'Allah le Seigneur des hommes, le Seigneur des mondes. Donc ça c'est important à comprendre. Donc on a presque fini, on va conclure avec l'exemple. Qu'est-ce que le cheikh il dit ici? Il dit إذن فكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة هم أولى بإبراهيم من تلك الطوائف. Donc tout musulman, musulmane, croyant, croyante, mérite plus de sa parenté et de mentionner le lien qu'ils ont avec Abraham que tous ces autres sectes ou toutes ces autres religions. Le cheikh il dit parce que Allah a dit les qawlillah ta'ala inna awla an-nas bi ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabi walladhina amanu. Donc le cheikh il dit ceux qui méritent plus de se dire d'Abraham, ce sont ceux qui l'ont suivi. Comment tu peux prétendre que tu suis quelqu'un ou que tu as un lien avec quelqu'un puis tu ne le suis même pas son exemple? Tu contredis son exemple. Donc le cheikh il dit ceux qui méritent plus d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, c'est-à-dire ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa religion c'est la religion d'Abraham, et ceux qui ont cru. ولا كما تدعي اليهود ولا كما تدعي النصارى ولا كما تدعي المشركون إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه اتبعوا ملته وعقيدة وعبادة وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Donc pas comme le prétendent les juifs, pas comme le prétendent les chrétiens, pas comme le prétendent les idolâtres et les gens qui associent avec Allah, hein, ceux qui méritent le plus de se dire d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi dans sa religion, dans sa croyance, dans son adoration. Est-ce que Abraham priait Jésus? Est-ce que Abraham priait Marie? Est-ce que Abraham priait un prophète parmi les prophètes ou un saint parmi les saints? Jamais. Donc, tu veux suivre Abraham, suis son exemple, suis sa religion. Et ça, c'est la religion de l'islam. C'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion de Jésus. C'est la religion de Moïse. C'est la religion de tous les prophètes qu'Allah a envoyés. Et c'est le tawhid. Et le cheikh, il dit, et ce prophète et ceux qui ont cru. C'est-à-dire les musulmans. Et Allah est l'allié des croyants. Wa li'izami da'wati Ibrahim wa jalalati qadriha qad umira nabiyuna صلى الله عليه وسلم باتباعه وحيا من الله حيث قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وهكذا أمر الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتأسي به وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مجددا لهذه الملة ومتبعا لها وإن اختلفت بقية الشرائع. Donc le cheikh il dit, donc en terminant, il dit à cause de la grandeur de la da'wa du prophète Ibrahim alayhi salam et de son statut et de la grandeur de l'importance qu'il a, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de suivre sa religion, hein? Et ça c'est une révélation que Allah a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 123 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham qui était un hanif. Et donc tu dois suivre la religion d'Abraham en tant que hanif, c'est-à-dire en tant que personne qui penche vers l'unicité d'Allah et qui se détourne du shirk. Et Abraham n'était pas du nombre des associateurs, des gens qui associent avec Allah et qui font le shirk. Ensuite il dit, et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa umma de suivre l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam. Il dit dans le verset 4 dans surat al-Mumtahana, il y avait certes un bel exemple à suivre pour vous en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous désavouons de vous, vous ainsi que ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, et entre vous et nous, l'animosité et la haine s'est installée jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et donc le cheikh il dit que c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu renouveler la religion d'Abraham en la suivant. Et yani, c'est donc on peut dire que elle est venue renouveler la religion d'Abraham. Donc c'est l'islam, la religion du tawhid, la religion d'Abraham. Et toutes les autres révélations et les autres religions ont contredit cette voie-là. Toutes les autres ont contredit cette voie-là. Les juifs et les chrétiens et ainsi de suite. Hein? Donc c'est pour ça qu'on dit que la religion de l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, et en particulier la religion d'Abraham, parce que c'est le père des prophètes. Hein? Et c'est lui qui yani, a été donc à l'origine de le père de la génération des générations qui ont suivi parmi les générations des prophètes, hein, c'est lui qui était le père de tous ces prophètes-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera inshallah prochain cours. On est supposé de faire un cours, je pense mercredi. prochain. Hein? Donc, on va faire le cours mercredi à la même heure, après l'Asr, Inch'Allah. Donc, ceux qui peuvent venir, أهلاً وسهلاً وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.